Cette masse sous l'eau rôde, fantôme obscur. Des putréfactions fermentent, à coup sûr, dans ce vaisseau, perdu sous les vagues sans nombre. Dessus, des tourbillons d'oiseaux de mer. Dans l'ombre, dessous, des millions de poissons carnassiers. Tout alentour, les flots, ces liquides aciers, mêlent leurs tournoiements monstrueux et livides. Des espaces déserts sous des espaces vides. Ô triste mer, sépulcre où tout semble vivant. Ces deux athlètes, faits de furie et de vent, le tangage qui bave et le roulis qui fume, luttant sur ce radeau funèbre dans la brume, sans trêve, à chaque instant, arrachent quelque éclat de la quille ou du pont dans leur noir pugilat. Par moments, au zénith, un nuage se troue. Un peu de jour, lugubre en tombe, et sur la proue, une lueur qui tremble au souffle de l'OTAN, blême, éclaire à demi ce mot, Léviathan. Puis l'apparition se perd dans l'eau profonde. Tout fuit. Léviathan, c'est là tout le vieux monde, âpre et démesuré dans sa fauve laideur. Léviathan, c'est là tout le passé, grandeur, horreur.